sur instrumental. Je te dévoile ma toile, mon côté plus sentimental, pour te faire cette distinction entre le bien et le mal. Je t'admire depuis un bail, ton cœur est si mystérieux que j'arrive pas à trouver ce qu'il ne va pas entre nous deux. Pourtant c'est toi que je veux. T'es celle à qui je pense chaque jour et nuit. Avec toi je veux être des moments de tristesse remplacés par ceux de tendresse. Je le vois débarquer, t'exposer ce sourire imposé. Je regarde cela avec un air affligé. Laisse-moi prendre soin de toi, laisse la lumière briller. Je suis déterminé, prêt à camper sur cette mentalité. Le pouvoir d'aimer, mon cœur t'a désigné. Laisse la lumière briller sur moi, laisse-la venir jusqu'à moi. Laisse la lumière briller sur moi, laisse-la venir jusqu'à moi. Sur ton chemin s'impose de la lueur, sueur, brouillard interminable. Tu n'en vois pas la fin, laisse-moi t'éclairer. Faites les mecs sans sentiment, vous êtes tous accrochés en mode scooter, claqueur, lover. Viens négro, je vais t'apprendre à aimer. Je reste sur cette ponctualité, bébé. Je vais te faire apprécier, te voilà embarqué sur ce je t'aime forcé. SMS à n'en plus finir, séduction, coup de cœur fauché. Mon amour à fond travailler, toi plus moi vagabonder, se promener. Au résultat, s'aimer, chanson R&B accentué. Réfléchissez tous à cette envie d'aimer, candidat à l'amour. Pensez à prendre soin d'elle, elle reste avant tout la fille que j'aime. Je suis déterminé, prêt à camper sur cette mentalité. Le pouvoir d'aimer, mon cœur t'a désigné. Laisse la lumière briller sur moi, laisse-la venir jusqu'à moi. Laisse la lumière briller sur moi, laisse-la venir jusqu'à moi. Flow formulé, fuck mon claqueur, toc toc. Voici mon cœur, pour toi prétendeur MC. Réfléchis à cette envie.